Radio Club SMG. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Captain, I say whoa. Captain, I say whoa. He said Captain, I say whoa. He said Captain, I say whoa. Allez Titi, on veut t'entendre avec la guitare. Captain, say whoa. Captain, say whoa. He said Captain, I say whoa. He said Captain, I say whoa. Et dis en tout cas, histoire de... Ça nous rappelle aussi, avant de partir, I was meant for loving you, baby. You c'était Titi avec sa guitare. I was meant for loving you, bye baby. Bye bye Titi. You will meant for loving me. I was meant for Ok, je vais cliquer sur le lien. Salut, bon appétit, je vais cliquer sur le lien. Je vais me le mettre en favori. Je suis content, j'ai participé à un cover. Cool. Comment on fait pour mettre? Je te mets un j'aime déjà. Je suis abonné. C'est ton compte? Attends, fais voir. Tac. Ouais, je crois que je suis abonné. Tac. Enregistré. Voilà, c'est bon, je l'ai mis à regarder. C'est bon.